Pourquoi les Occidentaux déclenchent, n'est-ce pas, la campagne, n'est-ce pas, pour diaboliser Poutine en mettant en avant qu'il veut utiliser l'arme nucléaire? C'est la question à laquelle nous devons répondre. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Pendant qu'ils font ça, le vrai débat, il est là. Qui a saboté Nord Stream? Le débat est clos. C'est Washington, c'est connu. Mais le président s'est exprimé sur la question. Je dis que c'est un acte de guerre. Tout à fait. C'est un acte de guerre. Observez-les, ils ne disaient rien. Observez-les. Ils protègent l'Ukraine, mais ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. On vous dit rien. Je dis, comment des pays peuvent pourtant protéger l'Ukraine, mais n'arrivent pas à se protéger? Les Américains ont fait un acte de guerre. C'est un acte de guerre en droit international. Saboter des infrastructures de ce type, c'est un acte de guerre. Donc l'Amérique a déclaré la guerre à l'Allemagne, à la France, aux Allemands et les pays qui sont actionnaires de la société qui a cette infrastructure et à la Russie. Alors observez les comportements des pays occidentaux. Silence total. Afrique Média. Le monde, c'est nous.